Benvinguts una setmana més a All a la Music. Us parla Rafael Corbí. El vostre programa de música en francès. Els grans records, l'actualitat i els grans protagonistes d'arreu del món. A All a la Music. Aquí estem, al vostre costat. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí en el moment de començar el nostre programa. Què tindrem avui? Doncs comencem ràpidament amb música quebequesa. Nascut a Montreal, al Quebec, el 25 de desembre, dia de Nadal del 1976. Un excel·lent intèrpret, conferenciant, poeta, autor, compositor del Quebec, Alexandre Belliard, s'anomena, amb les seves cançons, avui ens acompanyarà al començament del nostre espai. Ces hommes libres qui naquirent dans la plaine, de Rupert aux Rocheuses, au Montana s'étend une terre de nomades et de coureurs des bois et d'un sang métis qui court dans ses veines. Tel mon père, j'ai chassé le bison dans la plaine. Voyageurs ou guerriers, peuple fier et vivant, de mes frères indiens, je partage le combat des derniers hommes libres à qui l'on mit des chaînes. Et le sang métis qui coule dans mes veines. quand tout vint à manquer, sans le bison dans la plaine, que l'homme blanc arpenta nos terres ancestrales, dans ta province lointaine, toi Sir John MacDonald, nous étions sans voix, toi sourd à nos appels. Quand le sang métis se mourait dans nos veines. J'ai vu les soldats débarquer dans la plaine, écraser la révolte dans un tonnerre violent. Assiégés à batoche, contre canons et mitrailles, l'exil est pour moi la corde pour Riel. Et le sang métis se répand dans la plaine. Si je fus guerrier, je m'en souviens à peine. Ce que l'homme blanc commença, la famine l'acheva. Ma Louise n'est plus, mon peuple disparut. Les chants des guerriers de ma nation se taisent. S'éteigne avec moi, étendu dans la plaine. Mais le sang métis court toujours dans ses veines. Són les dues cançons que hem escoltat d'Alexandre Belliard amb aquest cantant quebequès que ens aportava una discografia que va començar l'any 2005 i que després, anys després, va presentar els seus àlbums que portaven el nom de Llegendes. La veritat és que uns discos magnífics que ens va conduir a través del temps i que continua oferint-nos d'una manera excepcional els seus àlbums Llegendes d'un poble amb les diferents tomes realitzades fins a 5, la darrera de les que coneixem l'any 2016. Hem escoltat aquests temes, però seguirem al seu costat perquè encara ens ha de portar una tercera i darrera cançó. Hem sentit a Toi et Moi, els darrers homes lliures i també un canadenc errant. Un canadien errant, banni de ses foyers, un Canadien errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers, parcourait en des pays étrangers. Un jour j'étais pensif et au bord des flots, au courant fugitif, il adressa ces mots: si tu vois mon pays, mon pays malheureux, va-t'y à mes amis, que je me souviens d'eux. Au jour si plein d'appât, vous êtes disparus, et ma patrie, hélas, je ne la verrai plus. Non, mais en expirant,

là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Quand tu veux, on y va. Si l'amour est l'air, si l'amour est sale, y'a des branches de rosier pour t'essuyer les larmes. Alors fais comme les autres, tu sais, à Amsterdam, pour t'essuyer le cœur, prends-la avec du charme. Assis sur les bancs de la vie, à apprendre le mien et l'oubli, à comprendre l'amour, le mépris, à deviner le bel, à venir et faire le tri, et trouver les mots doux, frôler la folie, et dire oui à tous, à toutes, à tout. Si l'amour est laid, si l'amour est sale, y'a des branches de rosier pour t'essuyer les larmes. Alors que comme les autres, tu sais, à Amsterdam, pour t'éponger le cœur, prends-la avec du charme. Si l'amour est laid, si l'amour est sale, y'a des branches de rosier pour t'essuyer les larmes. Alors fais comme les autres, tu sais, à Amsterdam, pour t'éponger le cœur, prends-la avec du charme. Y'a bien trop de mots, y'a beaucoup trop d'idées, y'a beaucoup trop de choix, de choses à accepter. Y'a bien trop de rôles, mauvais à jouer pour nous fous et folles. Juste d'essayer, essaie-toi de comprendre. Ne fais pas que prétendre, ou d'essayer d'apprendre. Ne pense pas qu'à défendre tes intérêts, ton poste, l'argent que tu n'as pas, l'argent qui règne en roi, l'amour même sans épargne. Mais moi, je crois pas, je crois pas en vos soldats. Je me fous de vos rois qui me pourrissent le cœur. Mais moi, je crois pas, pas en vos soigneurs. Je me fous de vos lois qui me poussent à l'erreur. Si l'amour est laid, si l'amour est sale, y'a des branches de rosier pour t'essuyer les larmes. Alors fais comme les autres, tu sais, à Amsterdam, pour t'éponger le cœur, prends-la avec du charme. Si l'amour est laid, si l'amour est sale, y'a des branches de rosier pour t'essuyer les larmes. Alors fais comme les autres, tu sais, à Amsterdam, pour t'essuyer le cœur, prends-la avec du charme. Des branches de rosier pour t'essuyer les larmes. Alors fais comme les autres, tu sais, à Amsterdam, pour t'éponger le cœur, prends-la avec du charme. Hurle à tes yeux, ne pas regarder, fais promettre à tes mains, ne pas toucher, dis à tes mots, se ravaler, oublie ce que tu penses, même si c'est vrai, range tes mains. Range tes caresses, couvre tes seins, ici y'a rien de bien. Range ton amour, ce que tu crois, garde tes bas. Viens sur toi, couvre ta peau, garde ta douceur. Serre tes jambes, sèche ta sueur. Couvre ta peau, garde ta douceur. Serre tes jambes, sèche la sueur. Ne parle plus, ne chuchote pas, rase tes cheveux, ferme tes yeux. Ne me souris pas, ne me donne pas de quoi. Sois laide, déteste-moi. Arrête, j'ai dit arrête, ne me tente pas. Ne me touche pas, ne m'excuse pas. Et surtout ne m'aime pas. Couvre ta peau, garde ta douceur. Serre tes jambes, sèche la sueur. Couvre ta peau, garde ta douceur. Serre tes jambes, sèche la sueur. Mens-toi, mens-moi. Tais-toi, oublie-moi. Mors tes larmes et ne vois pas les miennes. Et bientôt sécheront les tiennes. Couvre.

j'entends ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne, si tu le veux, prends, je te le donne. Molt bé, ens ha acompanyat l'Àngel Rodríguez. La col·laboració ens ha portat a desconèixer, a conèixer la música que ens conduïa en el dia d'avui amb aquest tema Gitteledon. I què farem? Doncs seguim el nostre programa. Hola, la Music, la música en francès, protagonista amb la música, perquè encara ens queda molt per escoltar. I ara ens tornarem a l'any 1996 per escoltar el segon àlbum de la cantant belga Axel Red, realitzat a través de Castle Studios, enregistrat a Nashville, als Estats Units. Un àlbum amb 14 cançons d'una hora de durada. Això no se solia portar en aquell moment. Diversos són els senzills que es van publicar i, per tant, comencem a escoltar-los amb peces com aquesta que ens va portar amb el seu moment primer senzill extret d'aquest àlbum d'Axel Red, Attachments. Jamais je n'aurais cru te revoir et pourtant sans pas étonné je t'ai reconnu à l'instant. Comment oublier ce regard qu'est le tien qui fait que du coup c'est me revient. Dire que le temps tombe par l'amour, que la distance y met un frein, rien que d'y penser me chamboule, rien que d'y penser me fait du bien. Souvent on me parlait de toi, de ta vie, il paraît petit coin paradis. Est-ce vrai que ta maman t'a quitté l'an dernier? Est-ce vrai que tu regrettes nous soyons manqués? Dire que le temps tombe par toujours, que la distance dénoue les liens, rien que d'y penser nous chamboule, rien que d'y penser n'y fait rien. Mon bimou jamais personne n'a eu sur moi. Il me regarde et je tombe comme foudroyé. Il manque de nuances, mais néanmoins il tutoie les anges. Suffit qu'il bouge, suffit qu'il tremble, moi je le sens, mon baby à tâtons. Dès qu'il s'éloigne, même quand il stagne, suffit qu'il boude pour que je me rende à tâtons. Façon de réduire mes trucs à l'ambiguïté. Par contre, le foisse, il se part de sa vanité. Il nargue la masse en cultivant sa fragilité. Suffit qu'il bouge, suffit qu'il tremble. Cançons com el Rien que de penser, aquest Atatons, que és el tema que obria aquest treball discogràfic i que li donava nom, però també Mon Café, senzills d'Axel Red, de la cantant belga, que ens portava aquest seu segon àlbum el 1996, la intèrpreta nascuda a Hasselt, a Limburg, el 15 de febrer de 1968, el seu nom real, Fabienne de Mal, una actriu, una autora, una intèrpret compositora i de llengua materna neerlandesa, però que també ha cantat, com podeu escoltar, en francès, en anglès i també en castellà. Seul sur une terrasse à l'aube, je bois mon café. Seul sur une terrasse à l'aube, en train de rêvasser. J'observe les gens, à moitié en sommeil. Je perds mon temps, j'attends le soleil. Seul sur une terrasse à l'aube, je bois mon café. 5 heures du matin déjà, et je me sens barouillée. M'en voulez pas, si je me rends fragile. Mais comme des coupures, je n'ai plus de cohérence. Laisse-moi boire mon café, laisse-moi boire mon café, yeah. Laisse-moi boire mon café, laisse-moi boire mon café, yeah. Let me drink my coffee, let me drink. drink my coffee, yeah. Let me drink my coffee, let me drink my coffee, yeah. Ça sur une terrasse à l'eau, je bois mon passé. Ça sur une terrasse où personne ne s'en serait douté. M'en voulais pas si j'ai voulu glander, mais rien ne m'attend à part mon café. Dire qu'hier encore la vie me semblait si bien, dire qu'hier encore le pire me semblait loin. Laisse-moi boire mon café, laisse-moi boire mon café, yeah. Laisse-moi boire mon café, laisse-moi boire mon café, yeah. Quand je me vois ainsi seule, si on se lève, moi je me vois à l'abri de la réalité. Quand je me vois ainsi seule, semblait si bien. Dire qu'hier encore l'avenir me disait bien. Dire qu'hier encore la vie me semblait si bien. Dire qu'hier encore le pire me semblait bien. Laisse-moi boire mon café, laisse-moi boire mon café, yeah. Laisse-moi boire mon café, laisse-moi boire mon café, yeah. Let me drink my coffee, yeah. Laisse-moi boire mon café, laisse-moi boire mon café, yeah. Laisse-moi boire mon café, laisse-moi boire mon café. Aujourd'hui je n'ose plus y croire. regard, je garde l'espoir. Désormais, je n'ose plus croire. Moi qui aurais tant voulu, moi qui aurais voulu, cherche mais je ne trouve pas un pays qui me va. Moi qui aurais tant aimé, me sens paralysé. Je traverse la terre entière pour ma prière. Encara en quedaven més de senzills. Anem a escoltar 4 d'aquest àlbum, Mon Café i Ma Prière, aquesta cançó que acabem d'escoltar, però en quedaven perquè va publicar molts més d'aquest àlbum. Entremig, la cançó de la Copa del Món del 1998, El cor dels grans, amb Jo som dur, però després El rest fem, per exemple, va ser també una de les cançons que va sonar moltíssim a la ràdio d'aquest àlbum Matat, uns del 1996. Ens hem acompanyat en la música d'Axel Red. No serà la darrera, perquè encara ens queda espai i avui anem aprofundint amb les cançons de diferents estils musicals, com és, per exemple, el cas de Youssef Soukouna, nascut el 20 d'abril del 1981 a París, rapper francès d'origen senegalès, anomenat, conegut comercialment com Sefiu. És una abreviació, és un canvi cultural del seu nom, del seu Youssef, escrit a la manera del japonès. Ell va debutar amb el seu disc, aquest exfutbolista professional també, i després intèrpret de hip-hop, de rap i de rhythm and blues, i podem escoltar el seu àlbum de debut, que és el que avui recordarem des del 2000, Sis, qui sui je, es deia aquest disc, i escoltem alguna de les peces que hi podíem trobar, com per exemple aquest L'Enemy, la qual canta al costat de Sana. À 8h, ça m'éricaille. La préfecture, il me recale. J'taille, City Brahim alimentaire, j'tourne au sky. Moi, j'fais pas la queue, c'est pour l'état un peu caille. Rat depuis que j'tourne au rail de coke. Depuis que j'ai arrêté la skonk, j'ai l'air moins con, speed. Schizo, j'ai les nerfs qui montent plus vite. Pour rien, j'monte en l'air, histoire, monsieur, je sais tout. Au square, les voisins tolèrent plus, mes stories tôt là. Mes frères purent tellement de biches qu'ils peuvent finir avocat. La tôle, j'en parle au gars, et rêve qu'elle filoche mon vécu. Mon vécu grouille, t'es gros dans un casque, automique, marque, plan macaque. À s'arracher les croûtes, brouter l'herbe de ma fauve. Niquer ce qui me regarde de travers, c'est pas normal, donc j't'en fais à l'envers. J'arrache les sacs aux bras comme un fauve. Glorifie le mal comme un faux man. Pas sérieux comme une info, man. La vie ne fait pas de cadeaux, troublez-moi, même si t'es pas d'accord avec leurs idéaux. Il faut maîtriser tes pulsions, tes visions, ne te fais pas mener en bas cours. La vie ne fait pas de cadeaux, troublez-moi, même si t'es pas d'accord avec leurs idéaux. Essaie de combattre l'ego, ton ego, y'a trop de violence avant les visions. Dis-moi, c'est de la faute à Kizzy. ton esprit, c'est la guerre, tes nerfs te taquinent, le mot dans les yeux verts caqués. C'est jamais toi alors c'est gay. Parce que je sais qu'à la préfecture tu décides de te foncer au sky. Et là c'est gay. C'est toujours pour l'état quand t'as perquise. Quand on trouble l'intimité, on fait du mal à ceux qu'on kiffe. C'est amalgame gros, cher, tu sers le shit du même couteau que ta mère utilise pour couper le cachet. En couille dans l'alcool, tu colles à cause des soucis. 6h du mat, t'agresses le daron par alcool. Et là c'est qui, hein c'est qui. C'est pas toi pas taradé. Faut aller qu'elle est lui de son frère pour le cul de la bâtardise. Décrocher les parenthèses, chut. T'emploi à la guerre, ton salaire c'est la peur. Le crime en prime te décès, je sais. Que la paix a déçu, c'est pour que le pauvre. Mais la remise en cause des hommes n'est pas ta cause. La vie ne fait pas de cadeau. Troublez-moi, même si t'es pas d'accord avec leurs idéaux. Il faut maîtriser tes pulsions, tes visions. Ne te fais pas mener en bas cours. La vie ne fait pas de cadeau. Troublez-moi, même si t'es pas d'accord avec leurs idéaux. Essaie de combattre l'ego, ton ego. Y'a trop de violence avant les missions. Contre-qué, aurais-je la rage, la arme, le seum. Je porte la haine à personne. Le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme. Pour qui aurais-je de la peine, c'est trash. Celui qui pense de la tôle ou qui purge une peine en tôle. Sa vie en arraché de poche. Toi t'escalades le destin, t'en appuies la tête d'un autre. Le miroir de l'hypocrite qui balance tout aux autres. Ah c'est, le sida s'est investi. Je sais pas c'est qui, peut-être la faute du travesti. Croy, j'ai résisté, j'ai craqué, j'y suis resté sûr. Tu me dirais la dévache quand t'attaches pas ta ceinture. Laisse un innocent, un peu de sang. C'est la parallèle philosophie des crevards d'essence. On fait la guerre en sachant que l'accord de paix est au bout du stylo de cet homme. Et on déclarait la guerre, tuant des mômes. Le mime d'un meurtre ne parle qu'avec les mains. L'ennemi vient de l'intérieur, réfléchis avant de serrer les poings. La vie ne fait pas de cadeau. Troublez-moi, même si t'es pas d'accord avec leurs idéaux. Il faut maîtriser tes pulsions, tes visions. Ne te fais pas mener en bas cours. La vie ne fait pas de cadeau. Troublez-moi, même si t'es pas d'accord avec leurs idéaux. Essaie de combattre l'ego, ton ego. Y'a trop de violence avant l'élection. La vie ne fait pas de cadeau. Troublez-moi, même si t'es pas d'accord avec leurs idéaux. Il faut maîtriser tes pulsions, tes visions. Ne te fais pas mener en bas cours. Qui l'homme est un loup pour l'homme. Le premier ennemi de l'homme c'est l'homme. Avant de changer le monde, commence par changer la personne qu'il y a dans ton miroir. Qui Sana, c'est un fio. Qui Ok. Oh. Pour la tronche qui va avec, le bœuf qui va avec, le gros fer qui va avec. Tu voulais un son lourd, pas t'as la voix qui va avec. Quand t'ouvres trop ton jeu, faut la paire de couilles qui va avec. Des pistes par les decks, tête cramée qui va avec. La tête a des gros becs, la musculée va avec. Quand la France dit terrorisme, y'a un arabe qui va avec. C'est rose qu'en roulette, y'a le gun qui va avec. Quand t'entends Israël, y'a les stats qui va avec. Si t'as qu'un dans une tournante, y'a un viol qui va avec. Dans le sud, quand t'entends Paris, 9-3 ça va avec. Regarde Sénégal, France, y'a un zéro qui va avec. Croix, quand t'entends Biggie, Tupac qui va avec. Quand tu vois une meuf bien, y'a un chien qui va avec. Si c'est à cause de tout ça, y'a une raison qui va avec. Rien de sert de rouler en camo si t'as pas la vie qui va avec. Quand t'entends Savio, SS ça va avec. Croix, ça va avec, le C, il va avec. Quand t'entends G8, Sousa, ça va avec. RR, STK, NCC, ça va avec. Quand tu vois 936, Olnesso, ça va avec. Maestro 8, étant 3000, ça va avec. Murier, Chanson, Gros Sol, ça va avec. Tous les quartiers, du 80 sautrés, on découpe. Quand tu parles de Tessie, y'a de la gosse qui va avec. Immigration, shit, échec scolaire, il va avec. Accouchement avant l'âge de la puberté, il va avec. Séparation, veuve, avant le mariage, il va avec. Pour tes dernières heures dans ce monde, ta date de mort, il va avec. Tu sais, à point trop le temps, mais bon, faut faire avec. Mec, t'avais un pop tout, y'a une hagra qui va avec. Le pointeur a fleuri la route, solitaire il va avec. Y'a plus de zéro dans le bulletin que sur nos chèques. Tony voulait la vie de rêve, il est le cauchemar qui va avec. Quand t'entends Nick, y'a ta mère qui va avec. Si les briques du quartier tiennent, chômage il va avec. L'Afrique parle de dette, y'a la France qui va avec. Génocide, armes, guerre, financement, l'Europe il va avec. Famine, trithérapie, y'a pas de remède. On va 0,5, on vit avec l'espoir qui va avec. T'entends, souci, suicide il va avec. Meurtre, il va avec, l'alcool, il va avec. Quand tu vois la misère, y'a l'Afrique qui va avec. Asie, Haïti, le manque de fric qui va avec. Quand t'entends, y'a une perquise qui va avec. J'avais pas ça, j'entends pas, pas vu, ça va avec. Immigrés, on t'a des beaux, les pleurs, ils vont avec. Tous les quartiers, du 80 sautrés, on des gros pecs. Qui va avec qui, avec quoi, Valtrey, Kaki. Avec la guerre, bordel, c'est comme le Pakistan. Va avec l'Inde, comme le Maudistan qui va avec Rinde. Pognon de sort qu'avec des personnes blindées. Si tu censures pas, si tu bosses en Indé. Quinté, va avec la malchance et l'inté. Rime va avec les gens très mal insérés. T'as le disque NCC, c'est pour l'insérer. Si tu vois de la barbe, ça va avec Ben Laden. Les pleurs avec la peine, de spi avec Choumi. On colle avec Pierre, l'éclair explose. Va avec Big Bang. Bien le mal vont avec Yin Yang. Arnold avec Willy. La coke avec Tony. Gioch avec Starsky. És l'estil de música que ens porta Safiu. Així ens conduïa els seus temes. No tothom li agrada el rap, no tothom li agrada el hip hop, però és música en francès i d'èxit, a més, aquest va ser un disc en d'or i avui he estat protagonista amb les tres darreres cançons d'Olala Music. Hem recordat la música d'Alexandre Billiard, el cantant quebequès, de Guillaume Gras, el jove intèrpret francès, Axel Red, la cantant i compositora belga, i finalment aquest artista que ha triomfat al món del rap i del hip-hop. Des del 2006, Kissiger, amb les tres cançons que escoltaven, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, serà fins una propera ocasió el vostre programa de música en francès. Això és Olala Music. Vas-y, retrousse vos bites, ton vos slip. C'est bon, le temps va, zit, vite, remonte le zip, crouille. Amoureux du casse-pipe, des pompes, du sport en équipe, du son façon visée à pompe. La pop, la paillette, pipelette, c'est pas mon grec. Viens pas me tailler des pipes, comme ces salopes, du hip-hop à la une. Allez hop, j'veux le shit, l'argent du shit donne. Les gens ont plongé, plus que Michael Jackson, comme Roman Abramovich et Chelsea. J'veux la Champions League, le salaire à Tchétchenko, Sénégal au Moscovitch, croy. J'donne pas de conseils, j'suis pas itch. J'fume trop d'instru, j'aimerais comme Colin Patch. J'hérite, Neol Patch, Molotov, Savio, Savio, Savio, on est sous. Savio, Molotov, Savio, Molotov. Que sont les sous qui pèsent les petites graves? 93, 6 sous, brave, grand live de la cave, Sev. Yo, Sev, yo, Sev, yo, que sont les sous qui pèsent les petites braves? 93, 6 sous, brave, grand live de la cave, Sev, yo, Sev, yo, Sev, yo, ok. Sev, yo, traîne pas son cul dans les boîtes. Il se fout pour la honte, comme un chat dans un comptoir de pite. Le succès a fabriqué des hypocrites. Se méfie-toi de ceux qui ont la bouche trop collée à ta bite. Y'a trop de putes au village des sentiments. Dans le biz, je méfie de ceux qui me parlent gentiment, crouille. L'argent a cette grande capacité d'adoucir les gens. À la tire les foufs et les fous furieux et méchants. À l'affût d'un contrat allégeant. Combien de fils de gros chats jusqu'aux potes de braque sans les gants. La reconnaissance n'a pas de sens. J'ai deux boules à la place des yeux partout. J'vois de la couille, crouille. L'album est sorti, l'heure est grave. 93, 6 sous. Braque, créant live de la cave. Sev, yo, Sev, yo, Sev, yo. Sans les sous qui pèsent les petites. 93, 6 sous, brave, grand live de la cave. Sev, yo, Sev, yo, Sev, yo. Que sont les sous qui pèsent les petites. Brave, 93, 6 sous, brave, grand live de la cave. Sev, yo, Sev, yo, Sev, yo. Ok, quand j'étais petit, mes idoles étaient des tox, un tox. Chez nous, le Père Noël avait des locks. Pendant les matchs de foot, dans nos sacs, y'avait des gunbox. Époque Atemi, 10 ans avant les Air Max. Shox, je suis escorté par la haine comme sous Axe. L'impôt sur taxe, nos rampes, dépouillé comme ton box. Crouille, J'ai réveillé la génération Xbox. Je lève mon index vers les techs qui rêvent un spec. Pour les braves qui baissent des petites traves, yeah. 93-600, all mes sous, on est là, oui. Présentation d'album Molotov, Safe You, le son du bloc, membre du G8. Que sont les sous qui pèsent les petites traves? 93, 6 sous, brave, j'en live de la cave. Save yo, save yo, save yo. Que sont les sous qui pèsent les petites traves? 93, 6 sous, brave, j'en live de la cave. Save yo, save yo, save yo. Que sont les sous qui pèsent les petites traves? 93, 6 sous, brave, j'en live de la cave. Save, yo, save.